En direct, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous, il est 0h18 sur Fun Radio, c'est les débats de Gérard du jeudi, donc vous pouvez nous appeler au 0803-085000 avec ce soir Manu et Apolline qui sont au standard. Ouais, bonsoir. Mais ouais, bonsoir, c'est bon là, je sens merde. Ok, et ouais bah tu vas te calmer toi, d'accord. Et à l'arrière sur le Minitel 3615, code Fun Radio, rubrique direct, c'est Phil Dard. Bonsoir à tous. Ok, et j'espère que tu vas pas nous faire de la caca, toi non plus. Et sur le mini, sur l'internet, pardon, www.funradio.fr, c'est Rigo. Bonsoir. Ok, donc le débat ce soir, ça porte sur les positions sexuelles. Donc on va accueillir pour ça Petit Impax, 24 ans de Toulouse. On peut écouter Fun Radio sur le 105.9. Bonsoir Gérard. Bonsoir à toi. Et on va accueillir Debouchanus, 22 ans, de Bordeaux. On peut écouter Fun Radio. Oh, on se calme. Tu me laisses terminer, d'accord? Y a pas de problème. Donc, t'as 22 ans et t'habites à Bordeaux et on peut écouter Fun Radio sur le 91.8, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je te kiffe, mon pote GG. Ah bah, moi, je te kiffe pas. Salut. Donc, je vous pose la question. Donc, pensiez-vous que les extraterrestres ont des positions différentes de nous quand ils font l'amour, voire plus ou autre? Donc, on va demander un petit tampax pour toi. Ça dépend du nombre d'extrémités qu'ils possèdent. Hein? S'ils ont 4 bites, ils ont 4 fois plus de possibilités de position. Non, mais attends, déjà, les extraterrestres, on les a jamais vus, donc on peut pas dire forcément s'ils ont 4 bites, voire plus ou autre. Donc, ouais. C'est vrai, ils en ont 5, donc c'est encore mieux. Ouais. Ça dépend également du nombre d'orifices que possèdent les femelles extraterrestres. Ok. Donc, Debouchanus, pour toi? Ouais. Voilà. Debouchanus. Ouais, bah écoute, moi, j'ai jamais niqué avec un Roswell. Donc, je sais pas trop. Par contre, je me souviens qu'à une époque, quand j'étais môme, j'ai flirté avec un E.T. Et là, c'est une question de doigté. Voilà. Voilà. Voilà, ça commence à bien faire le double son derrière. Putain. Bizarre, merde! C'est pas moi! C'est toi! Mais non! C'est toi, te fous pas de ma gueule, je viens de te voir appuyer sur le bouton, alors dans ces cas-là, tu dégages! Dégage de là, toi! Dégage! On va mettre Olivier à sa place, d'accord? Olivier! C'est fini pour toi, Figaro, hein. Tu dégages de l'équipe complètement, hein. Oh non, c'est même pas la peine, hein. Tu prends tes affaires et tu te barres, c'est même pas la peine, là, parce que c'est pour faire des conneries tout le temps, comme ça, c'est même pas la peine. Bon, Gérard. Donc, Olivier, bonsoir. Ouais, salut, mes canards en sucre. Ouais, ben, salut. Salut, donc, débouche anus pour toi, tu disais. Bah, écoute, je te disais, moi, j'ai connu E.T. quand j'étais jeune, et je te disais, tout est dans le doigté. Ouais, je me souviens, ouais. Ok, ben, ça, je sais pas où t'étais chercher ça, mais à mon avis, les doigtés, il n'y a pas grand monde qui en fasse. Donc, je vais vous répondre à la question. Donc, ben moi, en ce qui me concerne, ben, je peux vous dire que les extraterrestres, j'y crois pas vraiment, donc ça m'étonnerait qu'ils aient des positions sexuelles. Donc, Et à Sandy, tu lui fais tu lui fais quoi comme position? Ah, ben moi, je monte sur ma bibi et c'est tout. Et tu la sodomises un peu ou pas? Ben ouais, de manière, elle adore ça, donc. Et tu mets de la pommade? Non, ben, à chaque, hein. Ah, ben comme moi, c'est pareil. Ouais, ben, c'est bien. Donc, Rigo? Oui, Gérard, si vous voulez dire ça, il y a Davy One qui te dit en fait, encore heureux que c'est pas toi qui monte sur Sandy, et pas, encore heureux que c'est toi, pardon, qui monte sur Sandy et pas l'inverse, sinon elle t'envoie direct à l'hosto, quoi. Ouais, ben lui, Davy One, il ferait mieux de fermer sa gueule au lieu de poser des questions pourrites. Ouais, mais pourquoi? Oh, ta gueule avec tes pourquoi, toi, derrière. Donc, ouais, mais comment? Oh, bonne gueule, merde! Ouais, mais parce que je vous emmerde, d'accord? Donc, avant de faire la conclusion, il y a un petit sondage. Donc, pour la question, pensiez-vous que les extraterrestres ont des positions différentes de nous quand ils font l'amour, voire plus ou autre? Il y a 87% des gens qui sont partis se faire une bouffe à Pizza Pino, donc là, c'est pas mal pour citer la marque, ça. 64% des gens réclament toujours la commande de base passée à Rigaud du 18 février, donc là... Je vois pas du tout le rapport non plus. Et 41% des gens ont la réponse sur le bout de la langue. Donc là, ça, c'est qui m'a fait ce sondage? Mais c'est moi, Gérard, c'est bon, on l'a fait avec Gaël. Ouais, ben, un sondage de merde comme ça, vous pouvez vous ramener la cheminée avec, d'accord? Donc, Et Gérard, ferme ta gueule. Bon alors, c'est bon là. Allez, hop. Bon, je sens que dans 4 secondes, j'arrête. Non, allez, allez, Gérard, vas-y, continue, enchaîne dans le débat, tranquille, quoi. Ok, donc pour la conclusion, on va commencer par petit impact pour toi. Eh ben, des positions, il en existe plein, moi j'en connais plein, et je te dirai pas où j'ai mes doigts. Eh ben, j'en ai rien à foutre, tu peux te mettre tes doigts dans ta chatte et tes doigts dans ton cul. Allez, exactement. Pour toi. Donc, débouche anus pour toi. Ouais, alors en conclusion, je veux dire que petit impact, elle a une très jolie voix quand elle chante. Mmh. Un goldo. Ouais, un goldo. Non, pas du tout. Hein? Alors, deuxièmement, moi je connais un petit peu ta vie privée. Je connais un petit peu ta vie privée, je trouve ça dégueulasse que tu sois zoophile. Ah bah, dans ces cas-là, moi si je suis zoophile, bah toi ton cul des mouches. Allez hop, dégage. Top, bonne nuit pour toi. Donc, la conclusion ce soir, c'est que, comme d'hab, vous m'avez tous fait chier et c'était de la merde. Donc, Rigo, on arrive à combien sur Internet? Oui, énormément de monde, Gérard, ce soir, puisqu'on a atteint les 10 202,5 internautes, donc c'est le record battu et... Ah bah, c'est pas mal, la conclusion. Bah, conclusion, t'es un mec super... ah non, pardon, il parlait pas de toi. Conclusion, Turpentine, Yankee et Davy One, encore un débat sans queue ni tête comme toi. Et il y a Goldorak, Tony, Arnett, Megan, Axel et Aurélie qui te chient dans le bec, gros connard de Gérard. Ça va, qu'ils aillent se faire sauter. Donc, dans un instant, vous allez retrouver Moulinex pour les nuits sans pub. Et n'oubliez pas, dimanche, Max à 22h. Et vendredi, Jean-Sylvie K en mix à la logo. Et on va s'écouter les ragnagnas de Bibi Fock. Je les préfère avec du Nesquik au petit-déj. Donc, à la semaine prochaine et bonne nuit.